Charles-Augustin Sainte-Beuve est un écrivain et critique littéraire du XIXe siècle qui cherchait à donner à son travail critique une rigueur scientifique. Dans ses textes, il défend la thèse selon laquelle l'homme et son œuvre ne sont pas deux mondes différents. Il n'y aurait pas l'homme du monde et l'écrivain, le moi social et le moi littéraire. Le travail du critique consisterait donc à ne pas séparer l'homme de l'œuvre. Au début du XXe siècle, Marcel Proust s'oppose à cette thèse et rédige des textes contre Sainte-Beuve et contre la nécessité de se référer à la biographie d'un auteur pour comprendre son œuvre. Et pourtant, de qui parle Proust dans La Recherche du Temps Perdu ? Au fond, il a parlé de lui. Il n'y a pas à chercher, c'est lui le narrateur de La Recherche, mais il a réussi à ne pas parler de lui d'une façon biographique, c'est-à-dire en suivant le déroulement chronologique de sa vie. Et c'est en cela qu'on a pu dire à juste titre qu'il s'agissait d'une biographie symbolique. Proust nous livrerait donc une biographie symbolique, affirme Roland Barthes. Mais quel type d'enseignement tire-t-on de cette lecture ? L'enseignement majeur, principal, c'est l'existence même de Proust. Que dans le monde moderne, une telle vocation ait existé. Totale. Et dans l'espace et dans le temps. Alors, lit-on La Recherche du Temps Perdu pour découvrir le fait même de l'existence de Marcel Proust, comme le pense Marguerite Duras ? Mais alors, Barthes, Duras et tant d'autres, ne donnent-ils pas raison à Sainte-Beuve contre Proust ? Proust, Marcel et les autres, c'est le programme du jour. Je sais bien quelle épreuve. Il est abominable simplement pour qu'il pleuve. Des pages interminables, je sais. Il n'en finit jamais de gémir que l'enfer. C'est l'endroit désormais où vivre de travers nous fait mourir plus beau, puisqu'il fait du chaos un reflet sur la mer. Tu porteras, tu rasses. Je m'en fous, je m'en passe. Bourdieu, Bourdelle, Baudelaire. Bonjour Mathieu Vernet. Bonjour. Bienvenue sur Les Chemins de la Philosophie. Est-ce que vous aussi, comme Pascal Borel, vous aimez tellement Proust ? Oui, merci de me faire découvrir cette chanson que j'ai découvert avec surprise. Donc oui, je suis comme... comment s'appelle-t-elle ? Pascal Borel. Pascal Borel, oui, j'aime tant Proust. C'est la question de savoir si on aime tant Proust ou Marcel, et c'est toute la question du jour d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Et les deux textes que vous avez, les deux extraits que vous avez, Barthes et Duras, oui. Barthes et Duras que vous avez fait entendre, soulèvent bien tout de suite le problème. Proust a besoin, vers 1908-1909, de s'opposer à Sainte-Beuve au moment où il se lance dans le grand projet de La Recherche du Temps Perdu. Parce que se posent des questions à la fois intimes, parce qu'il met beaucoup de choses de sa vie, beaucoup de choses sur lui, et il a aussi besoin de se protéger, de poser des balises pour faire en sorte que son texte ne lui donne pas trop le sentiment de s'exposer. Donc c'est une protection ? Ça me semble être une protection. Mais c'est intéressant d'avoir commencé par Roland Barthes, parce que le texte du Contre Sainte-Beuve, c'est un texte qui est posthume, qui est inédit. Proust ne l'a jamais publié. C'est un texte qui a été exhumé des archives familiales au début des années 50 et qui est publié en 1954 par Bernard de Fallois. Et quand le livre arrive et sort, c'est tout de suite une bombe parce qu'on découvre un nouveau Proust qu'on ne connaissait pas jusqu'alors. Et c'est le moment où la nouvelle critique en France prend ses armes, se développe, et très vite, des auteurs comme Barthes vont s'appuyer sur ce texte de Proust pour défendre ce que sera la nouvelle critique, c'est-à-dire l'idée qu'il faut se concentrer sur les textes, se détacher le plus possible du contexte, de l'auteur. Et donc la distinction que Proust pose entre le moi social, le moi qu'on donne en société, le moi mondain, et ce qu'il appelle le moi profond, c'est-à-dire celui de l'écrivain, c'est quelque chose qui consonne parfaitement avec les enjeux de ces années 50-60. Mais encore aujourd'hui. Oui, encore aujourd'hui. La question de savoir s'il faut distinguer l'homme de l'œuvre, on l'entend beaucoup. Oui, oui, c'est vrai. Mais à l'époque, c'est vraiment nouveau. C'est vraiment nouveau et Barthes, Foucault vont s'appuyer sur Proust. Et donc, on va avoir tendance un peu à forcer le trait, un peu à caricaturer le propos de Proust qui va passer dans ces années 50, 60, 70, au moment où on redécouvre l'œuvre de Proust, où Proust commence à devenir le grand écrivain qu'il est désormais, lorsqu'il se canonise, on associe Proust à cette distinction, à cette opposition à Sainte-Beuve, à cette méthode de Sainte-Beuve. Et vous avez, Barthes a raison, Duras a raison, la question est sans doute beaucoup plus compliquée que cela pour lui. Vous voulez dire qu'à l'époque, Proust était connu autant, ou en tout cas aussi pour son contre Sainte-Beuve, que pour La Recherche du Temps Perdu ? Alors peut-être pas autant, parce que Proust commence à rentrer dans la culture générale dans les années 60, au moment où il rentre en poche. Pas avant ? Non. Non, non. Avant, c'est un auteur qui réservait vraiment une petite élite, qui est souvent considéré comme un auteur de droite, des milieux mondains. Il est quand même assez peu lu. Hein. Il est lu par les écrivains, par les intellectuels, mais c'est pas encore une figure. La figure de la Madeleine et toute la publicité qu'il y a pu y avoir autour de cette pâtisserie arrive dans les années 70. Par exemple, quand la FNAC est créée, en 1970, sa première campagne de publicité, c'est de venir acheter une Madeleine chez eux. Donc ça montre bien que c'est à ce moment-là où Proust bascule dans la culture commune, qu'il devient un auteur grand public. On va découvrir aujourd'hui qu'en lieu et place de la Madeleine, il s'agissait en fait de pain grillé. Mais avant d'en arriver là, et avant d'entendre un premier texte, Mathieu Vernet, une question concernant la nouvelle édition de ce texte. Puisque vous êtes maître de conférence en littérature française à la Sorbonne, et vous avez rédigé la notice pour les textes regroupés sous le titre « Contre Sainte-Beuve » dans le volume « Les essais de Marcel Proust », publié sous la direction d'Antoine Compagnon, que je recevrai demain dans la bibliothèque de la Pléiade. Et en vérité, ce texte « Contre Sainte-Beuve » existait déjà. Donc pourquoi une troisième édition de ce même texte ? Alors, merci de me poser cette question qui est très intéressante et qui soulève un point un peu original. C'est que, comme je le disais tout à l'heure, Proust ne l'a pas publié de son vivant. Ce sont des manuscrits, ce sont des brouillons dans lesquels il se lance à la fin de, probablement vers le mois de novembre 1908, et sur lequel il travaille un peu moins d'un an, jusqu'à l'été 1909, à peu près. Et après quoi, Proust se rend compte que ce qu'il doit faire et ce qu'il veut faire, c'est un roman et non pas un essai, et il bascule vers La Recherche du Temps Perdu. En réalité, le Contre Sainte-Beuve, c'est une proto-Recherche du Temps Perdu. C'est le début, c'est le moment où, comme disait Barthes, s'apprend, c'est-à-dire le moment où Proust comprend ce qu'il veut faire et ce qu'il doit faire, et surtout sous quelle forme littéraire il doit composer. Donc, quand il se rend compte de cela, et quand il se lance à corps perdu dans la rédaction de La Recherche du Temps Perdu, le projet du Contre Sainte-Beuve est abandonné, mais ce n'est pas une décision qui est prise comme ça du jour au lendemain, parce que c'est un glissement progressif. C'est-à-dire qu'en écrivant le Contre Sainte-Beuve, petit à petit, apparaît Swann, apparaissent les Guermantes, des noms, des épisodes, des histoires qui vont nous rappeler tout de suite La Recherche du Temps Perdu. Donc c'est un glissement progressif. Hein. On ne peut pas dire à tel jour, à telle date, Proust dit « Non, le Contre Sainte-Beuve, c'est fini, je passe à un roman. » C'est plutôt le Contre Sainte-Beuve qui, progressivement, s'est transformé en roman. Et Proust a continué à écrire cela, pour parvenir à Du côté de chez Swann et La Recherche du Temps Perdu. Donc en 1954, Bernard de Fallois exhume dans les archives familiales ses manuscrits inédits. Et il comprend très vite et très bien ce qui était, il faut le dire, quelque chose d'assez exceptionnel, parce que personne n'avait travaillé sur Proust, hein. Il n'y avait aucun travail universitaire, personne n'avait jamais mis l'aîné dans ses brouillons, La quantité de brouillon que Proust a laissé est colossale. C'est vraiment quelque chose d'énorme. C'était quelqu'un qui gardait, qui conservait beaucoup. Il est connu pour ses archives palimpsestes, oui, les documents qui sont collés, il y a comme des petits volets qui sont rajoutés sur les documents qu'il écrivait. C'est ce qu'on appelle les paperoles, voilà. Qui collent dans ses cahiers. Il y avait une profusion de cahiers de brouillon, évidemment, qui n'étaient pas numérotés, pas ordonnés, puisque tout ça était... La finalité uniquement personnelle. Hein. Proust se reconnaissait dans tout cela et ne pensait pas qu'un jour des personnes fouilleraient dans... Enfin, je ne sais pas s'il ne le pensait pas, mais peut-être pas à ce point. Mmh. En tous les cas, Bernard Fallois a mis de l'ordre dans ses papiers et il a identifié un moment Sainte-Beuve, c'est-à-dire un moment contre Sainte-Beuve, c'est-à-dire ces quelques mois où Proust a travaillé plus concrètement là-dessus. Donc il a sorti ce livre. Mais comme je vous le disais, on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'il commence ni quand est-ce qu'il s'arrête, ce texte, on peut prendre plus ou moins de textes et proposer un contre Sainte-Beuve qui est une définition plus ou moins large. Mmh. Et en 1971, au moment du centenaire de la naissance de Proust, la bibliothèque de la Pléiade décide de publier le contre Sainte-Beuve en Pléiade, qu'il confie à Clarac. Clarac décide de retenir un classement qui n'est pas celui de Bernard Fallois. C'est-à-dire, pour Clarac, le Contre Sainte-Beuve, c'est un ouvrage qui n'est que critique, qui ne porte que sur des textes de Proust sur la littérature et sur les auteurs. Et donc, il propose un texte très différent de celui que Fallois avait donné chez le même éditeur 17 ans plus tôt, avec le même titre. Mais on se retrouve avec quelque chose de singulier, c'est-à-dire qu'aux éditions Gallimard, on avait deux textes avec le même titre, mais assez différents. L'un qui avait une forme plutôt romanesque et l'autre qui était vraiment un essai. Et là, ce que j'ai essayé de faire pour cette nouvelle édition de la Pléiade, c'est de proposer de mettre un peu à la disposition du lecteur la totalité des textes que Proust a écrits sur cette période Sainte-Beuve. Donc en fait, ce qu'on appelle le contre Sainte-Beuve, c'est le titre d'un recueil de textes. C'est ça. C'est d'ailleurs le titre exact que nous donnons dans cette nouvelle édition, c'est le dossier du Contre Sainte-Beuve. Voilà. J'ai cherché à faire en sorte que le lecteur voit l'évolution du projet. Au départ, l'idée très clairement est de faire quelque chose qui ressemble à un article, quelque chose qui est la forme d'un essai, et petit à petit, des éléments romanesques vont se disséminer dans ce texte-là, pour devenir un roman. Alors, écoutons dès à présent un extrait de la méthode Sainte-Beuve, un texte dans lequel Marcel Proust explique pourquoi il n'aime pas la méthode du critique Sainte-Beuve. Écoutez le texte, il est lu par Guillaume Gallienne. L'œuvre de Sainte-Beuve n'est pas une œuvre profonde. La fameuse méthode qui consiste à ne pas séparer l'homme de l'œuvre, à considérer qu'il n'est pas indifférent pour juger l'auteur d'un livre, si ce livre n'est pas un traité de géométrie pure, d'avoir d'abord répondu aux questions qui paraissent le plus étrangères à son œuvre, comment se comportait-il, etc., à s'entourer de tous les renseignements possibles sur un écrivain, à collationner ses correspondances, à interroger les hommes qui l'ont connu, en causant avec eux s'ils vivent encore, en lisant ce qu'ils ont pu écrire sur lui s'ils sont morts. Cette méthode méconnaît ce qu'une fréquentation un peu profonde avec nous-mêmes nous apprend, qu'un livre est le produit d'un autre moi que celui que nous manifestons dans nos habitudes, dans la société, dans nos vices. Ce moi-là, si nous voulons essayer de le comprendre, c'est au fond de nous-mêmes, en essayant de le recréer en nous, que nous pouvons y parvenir. Rien ne peut nous dispenser de cet effort de notre cœur. Cette vérité, il nous faut la faire de toutes pièces, et il est trop facile de croire qu'elle nous arrivera un beau matin dans notre courrier sous forme d'une lettre inédite qu'un bibliothécaire de nos amis nous communiquera ou que nous la recueillerons de la bouche de quelqu'un qui a beaucoup connu l'auteur. Il était tellement aimable et tellement raffiné dans sa façon qu'il ne me commandait jamais. Il me demandait toujours, Céleste, est-ce que vous pourriez me servir à telle heure mon café? Est-ce que ça serait trop vous demander que de me faire ceci? Est-ce que je ne vous dérangerai pas en vous demandant de vouloir avoir l'obligeance de téléphoner à telle heure et de demander à un tel ou un tel, n'est-ce pas? à ses relations de vouloir bien faire ça ou ça pour moi. Il était évidemment très tyrannique, si on veut le voir par là, parce qu'il n'y avait pas d'heure, de jour ni de nuit, où au moment où il voulait quelque chose, il fallait qu'il l'ait. Et par conséquent, il ne ménageait rien que de vous le demander toujours avec une extrême gentillesse. Et moi, je l'aimais tellement, je m'étais tellement attachée à lui, que même dans mon sommeil, n'importe quelle heure, j'étais heureuse de lui faire plaisir. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et nous parlons de Proust cette semaine, aujourd'hui du texte « Contre Sainte-Beuve » de Marcel Proust, dont on vient d'entendre un extrait. Cette vérité, écrit Proust, c'est-à-dire celle de l'écrivain, celle que seule la littérature pourra délivrer. « Il est trop facile de croire, dit-il, eh bien que nous la recueillerons de la bouche de quelqu'un qui a beaucoup connu l'auteur. » Et nous venons d'entendre la voix de Céleste Albaret, qui a beaucoup connu Marcel Proust, hein, puisque c'était sa gouvernante, archive géniale dans laquelle elle dit bien, elle était d'un raffinement extrême, une grande délicatesse, mais complètement tyrannique aussi, puisqu'il pouvait me réveiller à 2h du matin. Cette ambivalence est parfaite, et on est là encore une fois au cœur du sujet, puisque justement, comment faire pour parler du roman, uniquement du roman, sans parler de l'homme, alors qu'on y revient en permanence, Mathieu Vernet. Oui, c'est vrai. Concernant Céleste Albaret, c'est l'archive que vous avez fait entendre là est une archive qui date des années 60 et qui est une archive très importante dans la réception de Proust et qui va dans le sens de ce que nous disions au début de l'émission. C'était à l'occasion d'une émission d'un portrait littéraire de Proust qui passait à la télévision. Et les Français ont découvert un Proust différent grâce à Céleste Albaret. Les Français, à la télévision, ont vu un Proust beaucoup plus humain, plus simple que l'auteur du grand monde que l'on se figurait. Et notamment, ce qu'on entend là, la simplicité de cet homme, très proche de sa gouvernante. Quand je disais tout à l'heure que Proust, jusqu'à présent, était considéré comme jusque dans les années 50-60, était considéré comme un auteur de droite. Antoine Compagnon avait trouvé une formule très, très heureuse pour décrire ce qui se passe dans les années 60. Avec Céleste Albaret, on entre dans l'œuvre de Proust par l'escalier de service. C'est ça. Et ouais. Il glisse, il devient un auteur que la gauche va s'approprier. Parce qu'on va découvrir que c'est un auteur plus proche des gens, plus sensible. Il y a une certaine ironie que vous soulignez justement, c'est parce qu'on commence à connaître la vie de Proust et savoir qui était cet homme-là, qu'on va pouvoir mieux connaître son œuvre et mieux l'apprécier. Alors est-ce que ça donne tort à la thèse de Proust, qui est de dire qu'il ne faut pas confondre le moi social et le moi de celui qui écrit? Alors l'extrait que vous nous avez fait entendre sur la fameuse méthode de Sainte-Beuve que Proust critique, nous permet d'entendre deux choses. La première, c'est que pour Proust, Sainte-Beuve s'est trompé de manière profonde et radicale sur ses contemporains. Sainte-Beuve se targuait de se présenter comme un juge, comme quelqu'un qui était capable de pouvoir identifier, parmi la littérature qui lui était immédiatement contemporaine, qui deviendrait des classiques. Et Proust fait un constat accablant, sur lequel on ne peut pas revenir, c'est que Sainte-Beuve s'est trompé sur tout. C'est-à-dire qu'il a méconnu le génie de Balzac, il a méprisé Baudelaire, méprisé Flaubert, Stendhal, et qu'à côté de cela, il a survalorisé des auteurs qui sont devenus totalement inconnus, comme Darlu, Mollet, Vinet, oui, je vous le confirme. Béranger, voilà, des auteurs... Ah, Béranger, non. Oui, Béranger un peu moins. Le Chansonnier. Mais bon, oui, le Chansonnier. Mmh. Mais bon, malgré tout, ce ne sont pas devenus les... Sainte-Beuve comparait Béranger à Racine. Bon, il n'est pas devenu le Racine du 19e siècle. Donc, le premier constat, c'est de dire que cette méthode ne marche pas. C'est une méthode qui repose sur une démarche soi-disant scientifique, positiviste, qui consiste à se renseigner auprès des proches, à exhumer la correspondance, les archives, pour connaître le plus de choses sur un auteur et pour pouvoir parvenir à tenir sur cet auteur le propos le plus objectif, soi-disant. Et Proust le dit, Sainte-Beuve a très mal mis à profit cette méthode-là. Donc ça, c'est le premier constat que l'on peut tirer de ce texte. La deuxième chose, c'est, comme nous l'avons entendu par Guillaume Gallienne, c'est que Proust souligne le fait que le moi qui écrit, à ses yeux, est un moi qui est différent de celui que nous manifestons, dit-il, dans nos habitudes, dans la société et dans nos vices. Et je crois que ce dernier mot... Oui, il insiste sur vice. Voilà, ce dernier mot est très important parce que le mot vice, au début du XXe siècle, désigne l'homosexualité. Il n'y a pas de doute possible. Et que, pour Proust, imaginer quelqu'un qui fouille dans sa vie, c'est imaginer quelqu'un qui révélerait ou qui découvrirait son homosexualité. Ah, donc ce que vous dites, c'est que la thèse de Proust, enfin le fait de s'en prendre à Sainte-Beuve sur ce point-là, à savoir qu'il faut distinguer l'homme de l'œuvre, c'est une manière pour Proust de protéger sa vie privée. Oui, c'est cela. C'est pas littéraire, alors. Non, c'est un calcul assez égoïste. Je le pense ainsi. Je crois que Proust craignait beaucoup que ces bruites... sa vie sexuelle, et qu'il avait en même temps à cœur d'écrire sur l'homosexualité. C'est une chose qui, est, pour lui, était importante, parce qu'il fallait qu'on parle de ces choses-là, il fallait que la littérature puisse décrire ce qu'était la vie d'un homosexuel ou d'une homosexuelle, puisque dans La Recherche du temps perdu, nous aurons les deux, et beaucoup d'exemples des deux. On est même presque tenté à penser que tout le monde finit par être homosexuel, tant bien chez les hommes que chez les femmes, chez Proust. Donc, pour Proust, c'était important de parler de l'homosexualité. Il ne l'avait jamais vraiment fait jusqu'à présent. C'est quelque chose qui était toujours resté plus qu'à la marge. C'était toujours très allusif. Et encore, c'est allusif pour quelqu'un, pour des personnes comme nous, qui rétrospectivement pouvons lire ou voir des choses, mais... Pour les contemporains, c'était impossible de déceler des traces très claires dans ce qu'il pouvait écrire sur l'homosexualité. Donc il avait envie de prendre le problème de front. Mm-hmm. Et prendre le problème de front, c'était s'exposer à des rumeurs. Il faut aussi dire qu'en ces années-là, donc au début du siècle, 1908, 1909, 1910, jamais aucun livre n'avait pris l'homosexualité comme objet. Clair du propos. Et donc, c'est pas, à mon avis, ce n'est pas innocent si, au moment où il se lance dans ce vaste projet d'écriture, il commence à poser d'abord comme principe, attention, il existe en nous deux personnes. Et ce n'est pas parce qu'on présente une chose dans nos livres qu'on est la même chose en société. Mmh. Et donc... Je suis vraiment très tenté de penser que c'est une manière de dire « ce n'est pas parce que dans un livre je vais parler de quelque chose que ce quelque chose me concerne ». Mais alors là, vous prenez le parti de Sainte-Beuve, parce que vous expliquez par la vie de Proust, même par sa sexualité, sa méthode littéraire. Oui, mais oui, mais Proust... Parce que vous ne trahissez pas Proust. Alors, mais c'est, à mon avis, c'est là la preuve irréfutable que Proust était finalement beuvien et qu'il ne croyait pas à cette théorie-là, enfin qu'il ne croyait pas vraiment à cette distinction du moi social et du moi profond, c'est que lui-même l'applique. Quand il commente Baudelaire, il va faire référence aux lettres à sa mère, il va faire référence à qui était Baudelaire en tant qu'homme, ou même à Balzac. Il va éplucher la correspondance de Balzac avec sa sœur, il va éplucher la correspondance avec Madame Anska. C'est Proust était très curieux de la biographie, parce qu'il est vrai qu'il est difficile de sortir un auteur de son contexte. C'est très difficile. Le parti pris textualiste qui a été développé dans les années 70, où on se concentrait totalement et à fond sur le texte, en essayant de sortir le texte de son contexte, en sortir... Et de l'auteur, hein. Barthes, voilà. Justement, on parle de la mort de l'auteur. C'est ça, la mort de l'auteur, sortir le texte du contexte d'écriture, et presque même de l'histoire, a donné des résultats intéressants, mais a aussi montré ses limites. Et donc, je crois bien que Proust n'était pas convaincu de la pertinence profonde de cette distinction du moi social et du moi profond, qu'elle était... opportuniste. D'ailleurs, dans La Recherche du temps perdu, cette distinction disparaît. il ne va presque pas revenir, en tout cas pas de manière aussi théorique qu'il ne le fait dans le texte que nous avons là. Ça va revenir dans le propos, il va critiquer Sainte-Beuve dans La recherche du temps perdu. Oui. Mais la systématisation qu'il fait dans Contre Sainte-Beuve et que nous avons entendu ne sera pas reprise dans La recherche du temps perdu. Alors prenons un autre exemple justement, puisque vous parlez de l'homosexualité cachée de Marcel Proust, ou en tout cas comment essayer de distinguer les deux, sa vie réelle et biographique et la vie qu'il veut décrire dans La recherche du temps perdu. Comment se fait ce glissement? Si on écoute un extrait que l'on trouve dans le Contre Sainte-Beuve, justement, on y trouve des pages qui décrivent vraiment une malédiction de l'homosexualité, des pages que l'on retrouvera dans Sodome et Gomorre sur l'homosexualité de Charlus. Écoutez. Monsieur de Guercy appartenait à la race de ces êtres contradictoires, puisque leur idéal est viril justement parce que leur tempérament est féminin, qui vont dans la vie à côté des autres, en apparence tout comme eux, mais portant au travers de ce petit disque de la prunelle où notre désir est intaillé et à travers lequel nous voyons le monde, le corps non d'une nymphe, mais d'un éphèbe, qui vient projeter son ombre virile et droite sur tout ce qu'ils regardent et tout ce qu'ils font. Race maudite, puisque ce qui est pour elle l'idéal de la beauté et l'aliment du désir est aussi l'objet de la honte et la peur du châtiment, et qu'elle est obligée de vivre jusque sur les bancs du tribunal où elle vient comme accusée, et devant le Christ, puisque comme les criminels, elle est obligée de cacher son secret à ceux qu'elle aime le plus, craignant la douleur de sa famille, le mépris de ses amis, le châtiment de son pays. Race maudite, persécutée comme Israël, et comme lui, ayant fini dans l'opprobre commun d'une abjection imméritée par prendre des caractères communs, l'air d'une race. Ayant tous certains traits caractéristiques, des traits physiques, qui le plus souvent répugnent, qui quelquefois sont beaux, des cœurs de femmes aimants et délicats, mais aussi une nature de femme soupçonneuse et perverse, coquette et rapporteuse, des facilités de femme à briller en tout, une incapacité de femme à exceller en rien. Exclus de la famille avec qui ils ne peuvent être en entière confiance, de la patrie aux yeux de qui ils sont des criminels non découverts, de leurs semblables eux-mêmes, à qui ils inspirent le dégoût de retrouver en eux-mêmes l'avertissement que ce qu'ils croient un amour naturel et une folie maladive. Je me suis avisé que votre prénom est Charles, qui ressemble à Charlus, et que la propriété où nous nous voyons, vous et moi, s'appelle les Charmes. Un joli nom est la moitié d'une réputation artistique. Il m'est apparu que vous devez sans hésiter prendre le nom de Charmel, qui nous rappellera le lieu de nos rendez-vous. En dehors de son talent qui est grand, Morel est un gentil garçon, plein de délicatesse, reconnaissant de ce qu'on fait pour lui. Quand il parlait de Morel, ce qu'il ne pouvait s'empêcher de faire, le baron pensait que cela serait entendu en toute innocence. Et malgré sa rare beauté... Il pensait bien qu'il y avait dans l'univers quelques personnes qui étaient, selon l'expression, fixées sur son compte, mais il se figurait qu'elles n'étaient pas plus que trois ou quatre et qu'il n'y en avait aucune sur la côte normande. Quelle stupeur pour M. de Charlus s'il avait entendu la patronne dire lors d'un précédent déjeuner... Nous n'attendons plus que ces demoiselles. Un extrait du film À la recherche du temps perdu, adapté donc en téléfilm par Nina Companès en 2011, qui vient illustrer le texte que l'on a entendu juste avant, Mathieu Vernet. Un texte très dur, très fort. Il parle de cette race maudite, oui, que seraient les homosexuels. Alors là, pour le coup, on n'est plus dans le registre du biographique, du littéraire, du philosophique, c'est presque le registre du psychologique. On entend une haine de lui-même ici, non? Alors, ce passage est un passage très fort, très beau, parce qu'il survient juste après le moment où le narrateur du Contre Sainte-Beuve découvre que celui qui s'appelle le marquis de Guercy et qui sera appelé à devenir Charlus dans La recherche du temps perdu est homosexuel. Guercy est allongé et dort sur, enfin est allongé, est assis sur un fauteuil et s'est assoupi. Le narrateur le regarde et on a une scène assez troublante où il semble le regarder plein de désir. Donc déjà un peu un flottement assez rare chez Proust où le narrateur semble avoir un désir homosexuel. Il regarde avec admiration le marquis de Guercy, un peu de la même manière que le narrateur regardera dans la prisonnière Albertine pendant qu'elle dort. Donc cette superposition Albertine-Guercy est assez troublante. Donc il le regarde et puis d'un coup lui apparaît une révélation et il dit « Mais diable, c'est une femme ». Et à ce moment-là, au moment où il dit « C'est une femme, je comprends que c'est une femme », il y a une forme de libération de l'écriture. Et Proust se met, et c'est très touchant et très fort de voir ça dans les brouillons, donc il décrit ce corps, endormi, assoupi, il a la révélation de son homosexualité, et là vient une très longue phrase, qui court, c'est la plus longue phrase que Proust ait écrite, et Dieu sait si Proust écrit de longues phrases, là c'est une très longue phrase qui court dans les brouillons sur plusieurs pages, et qui donne en Pléiade presque 3 pages entières, dont nous avons entendu ici un extrait, et qui est une forme de libération. On a le sentiment que la parole se libère tout à coup, que Proust attendait depuis des années d'écrire sur l'homosexualité. Et comme vous le faites justement remarquer, ce qui est très touchant, c'est que la première chose qui sort, c'est cette douleur. C'est la douleur, la violence. On parle de criminel. C'est ça, d'être considéré comme un criminel, d'avoir le mépris de ses amis, d'être l'abjection de sa famille. On voit bien l'opprobre qu'un homosexuel peut ressentir à cette époque-là. Et il est important pour Proust de mettre cela par écrit. Et cette phrase, qui n'en finit pas, ne cesse de décrire la difficulté et le rejet de soi que l'homosexuel a en lui. Qu'est-ce que c'est être un homosexuel ? Nous dit Proust dans cette phrase, dans cette longue phrase, c'est être avant tout un anti-homosexuel. C'est être en permanence contre soi. Et il fait la comparaison, comme nous l'avons entendu, avec le juif, en une période de très forte... Persécuté comme Israël, dit-il au sujet de cette race maudite. Mais je tiens à préciser pour nos auditeurs que l'extrait que nous avons entendu n'est qu'une partie de la phrase. La phrase est vraiment très très longue et la comparaison avec la condition du peuple juif est vraiment récurrente dans la phrase. Elle revient souvent et comme le juif... En ce début de siècle, quelques années après l'affaire Dreyfus, l'homosexuel doit se cacher, doit vivre dans la clandestinité, doit vivre dans le secret. Et il y a cette explosion là qui survient et cette phrase qui est belle, qui est touchante parce qu'elle montre la difficulté de cette condition. Donc vous allez encore plus loin que Sainte-Beuve, en fait, Mathieu Vernet. Vous dites qu'une réalisation, la prise de conscience d'un désir va avoir une influence directe sur la manière d'écrire. Oui. Mais est-ce qu'on risque pas de tomber dans l'essentialisation, en fait, quand on dit ça ? Alors Qu'est-ce que ça veut dire ? Le désir homosexuel influence une manière d'écrire ? Enfin, c'est délicat comme sujet. Oui, je suis d'accord. Ce que je cherche juste à dire là, c'est que cette longue phrase... elle donne le sentiment d'être un abcès qui est crevé. Et que on voit bien que c'est quelque chose qui couvait chez lui depuis longtemps. Il contourne la question homosexuelle depuis des années, depuis Les plaisirs et les jours, qu'il publie en 1896, où la question est vraiment à mot couvert, et puis dans quelques textes qu'il fait paraître dans la presse, mais vraiment de manière très très allusive. Là, le problème est pris de front. Les mots sont désignés comme tels, vous l'avez entendu, le mot homosexuel est utilisé, ce qu'il n'avait jamais fait jusqu'à présent. Je rappelle encore une chose, c'est que ce texte est un brouillon. Donc il date de mai-juin 1909, et que à ce moment-là, Proust ne sait pas s'il va le publier, vous avez raison de le souligner. Ce texte va revenir d'une certaine manière dans Sodome et Gomorre, mais ce ne sera qu'en 1921, c'est-à-dire 12 ans plus tard. Il va mettre 12 ans avant d'arriver à pouvoir publier vraiment la chose. Et au moment où il va publier où il va publier ses lignes dans Sodome et Gomorre, Proust ressentira encore le besoin d'accompagner la sortie de son livre, de publication dans la presse d'articles sur Sainte-Beuve, pour désamorcer l'idée qu'on puisse faire un lien entre l'auteur et le... Et alors comment c'est accueilli à l'époque ? Alors, est-ce que le lien est fait ? Alors le lien n'est pas spontanément fait. Le lien n'est pas spontanément fait, effectivement. Bon, Proust va mourir assez rapidement après, hein. Il meurt en 1922. Mais le lien n'est pas spontanément fait. Et c'est vrai que, par exemple, Robert de Montesquieu, qui était proche de Proust, qui était aussi homosexuel, lui avait dit « Écoutez, nous vous devons beaucoup. La publication de ce livre est quelque chose... Vous avez eu un courage tout à fait admirable de faire cela, et nous vous devons tous beaucoup. » Donc, c'est intéressant. Et le terme de race qui est employé ici m'importe aussi parce que le marquis de Quercy, qui va devenir le baron de Charlus, c'est un Guermantes. C'est le frère du... Alors, dans le Contre Sainte-Beuve, c'est le frère du comte de Guermantes. Mm-hmm. Et dans La Recherche du Temps Perdu, le comte de Guermantes va devenir le duc de Guermantes. Donc, le baron de Charlus, c'est le frère du duc de Guermantes. Et le marquis de Quercy, c'est le frère du comte de Guermantes. Mm-hmm. Mais enfin, c'est la même chose. Et... Proust, aussi bien dans Le Contre Sainte-Beuve que dans La Recherche du Temps Perdu, va écrire de très belles pages sur la race des Guermantes, sur le fait que quand on est aristocrate, on porte en soi et sur son corps la trace de génération en génération. Et il écrit de très belles lignes sur Oriane de Guermantes, donc la duchesse, puisqu'en fait c'est la femme du duc de Guermantes, mais c'est aussi sa cousine. Hein, c'est une vraie Guermantes. Elle est doublement Guermantes par son mari et par ses aïeux. Et elle porte sur son visage les traits de Geneviève de Brabant, son illustre aïeul qui a 1000 ans de plus qu'elle. Enfin, et donc... La race des Guermantes, c'est ce qui caractérise le baron de Charlus, le duc de Guermantes, etc. Mais on voit que le marquis de Quercy, appartient à une autre race. Et on voit réapparaître cette distinction sur ces deux moi. Mmh. En fait, il y a un moi qu'on donne aux autres, le moi de son corps, de son physique, donc la race des Guermantes, et puis il y a la race cachée en soi, la race maudite, qui est... Le terme de mot race, c'est quand même quelque chose de très très fort. Alors oui, c'est un terme fort, après c'est un terme d'époque. Ouais. Hein, sans doute plus banal qu'on peut l'utiliser de nos jours, hein, puisqu'il permet de caractériser... C'est au moment où quand même se développe la notion de nation, Renan a beaucoup écrit là-dessus. Bon, je pense que le mot race est plus banal à l'époque qu'il ne l'est de nos jours. Mais donc, vous voyez, malgré tout, l'utilisation de ce terme race permet de souligner l'idée qu'il y a deux facettes. Mmh. Et on retrouve ces deux mois. Donc, il est important pour Proust hein, de bien distinguer cela malgré tout. Et il y a chez Proust cette importance accordée à la distinction entre... l'intelligence et ce qu'on pourrait appeler l'intuition. D'un point de vue bergsonien, on a vu hier et avant-hier les liens qu'il pouvait y avoir entre la philosophie de Bergson et la littérature de Proust, notamment avec cette distinction entre intelligence et intuition. Proust, dans ses notes sur l'intelligence, hein, qu'on trouve toujours dans ce recueil, hein, Sainte-Beuve, affirme qu'il attache chaque jour moins de prix à l'intelligence. Est-ce un dédoublement là aussi? Écoutez comment Marguerite Duras, encore elle, en parle, justement sur l'importance de l'intelligence pour saisir ce texte. Et puis ensuite, un extrait d'un texte qu'on pourrait appeler presque le texte de la pré-Madeleine, puisque Proust décrit le processus qui va conduire à cette réminiscence qui fait l'enjeu du texte à La Recherche du Temps Perdu. Vous verrez que les Madeleines, eh bien, n'en étaient pas. Supposons qu'un homme n'ait lu qu'une seule œuvre, celle de Proust, on pourrait imaginer qu'il pourrait lui-même en passer à l'écriture à partir de cette œuvre. Il serait, pour ainsi dire, contaminé. Illuminé, mais par lui-même, par sa propre existence, et par la puissance, la lucidité de son esprit tout à coup. Il s'écrirait que de choses autour de moi, en moi, que je n'avais pas aperçues. C'est en cela que Proust nous est familier. Proust parle des artistes qui ne voient pas leur vie parce qu'ils ne cherchent pas à l'éclaircir. Et ainsi, dit-il, leur passé est encombré d'innombrables clichés qui restent inutiles, parce que l'intelligence ne les a pas développés. Chaque jour, j'attache moins de prix à l'intelligence. Chaque jour, je me rends mieux compte que ce n'est qu'en dehors d'elle que l'écrivain peut ressaisir quelque chose de nos impressions passées, c'est-à-dire atteindre quelque chose de lui-même et la seule matière de l'art. Ce que l'intelligence nous rend sous le nom de passé n'est pas lui. En réalité, comme il arrive pour les âmes des trépassés dans certaines légendes populaires, chaque heure de notre vie, aussitôt morte, s'incarne et se cache en quelque objet matériel. Elle y reste captive, à jamais captive, à moins que nous ne rencontrions l'objet. À travers lui, nous la reconnaissons, nous l'appelons et elle est délivrée. L'objet où elle se cache, ou la sensation, puisque tout objet par rapport à nous est sensation, nous pouvons très bien ne le rencontrer jamais. Et c'est ainsi qu'il y a des heures de notre vie qui ne ressusciteront jamais. C'est que cet objet est si petit, si perdu dans le monde, il y a si peu de chances qu'il se trouve sur notre chemin. Il y a une maison de campagne où j'ai passé plusieurs étés de ma vie. Parfois, je pensais à ces êtres, mais ce n'était pas eux. Il y avait grande chance pour qu'ils restent à jamais morts pour moi. Leur résurrection a tenu, comme toutes les résurrections, à un simple hasard. L'autre soir, étant rentré glacé par la neige et ne pouvant me réchauffer, comme je m'étais mis à lire dans ma chambre sous la lampe, ma vieille cuisinière me proposa de me faire une tasse de thé dont je ne prends jamais. Et le hasard fit qu'elle m'apporta quelques tranches de pain grillé. Je fis tremper le pain grillé dans la tasse de thé, et au moment où je mis le pain grillé dans ma bouche, et où j'eus la sensation de son amollissement pénétré d'un goût de thé contre mon palais, je ressentis un trouble, des odeurs de géranium, d'oranger, une sensation d'extraordinaire lumière, de bonheur. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Mathieu Vernet, c'est assez émouvant d'entendre le texte qui conduira aux pages dites de la Madeleine. Hein. Est-ce que ça change quelque chose que ce soit du pain grillé, non pas une Madeleine ? C'est plus chic la Madeleine. Ça, c'est sûr. Il a bien fait de changer. Ah, vous croyez ? Ouais, c'est une biscotte, oui, c'est moins classe. Oui, c'est moins chic. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est l'un des premiers textes du Contre Sainte-Beuve. C'est pratiquement ce par quoi Proust a commencé à écrire à la fin de 1908. Et surtout, on a l'une des rares notes que Proust donne sur l'architecture qu'il voulait donner à son livre, en disant débuter par la méfiance de l'intelligence. C'est ça, voilà. C'est ça qui est surprenant. Donc probablement commencer par ces lignes-là. Et donc très tôt, il aurait voulu poser dans son livre le principe de la réminiscence. Et il est important pour Proust de souligner l'importance de la sensation, parce que la sensation, c'est ce qui permet d'aller immédiatement à la vérité, au monde. Vous avez évoqué Bergson tout à l'heure, hein, c'est quelque chose qui en est assez proche, c'est une philosophie qui en est assez proche, et ce n'est pas non plus anodin que ce texte-là prenne part dans une réflexion plus large sur Sainte-Beuve, puisque je vous le disais tout à l'heure, hein, la méthode de Sainte-Beuve, c'est une méthode vraiment qui repose sur une logique positiviste, sur une logique scientifique qui cherche l'objectivité. Et Proust veut absolument prendre ses distances avec cela. Il a le sentiment que un écrivain est avant tout un poète. Un poète au sens où on doit avoir un rapport au monde direct. Un rapport au monde qui n'est pas filtré par l'intelligence, l'intelligence, comme l'habitude, aux yeux de Proust, déforme le monde. Nous donne le sentiment que ce que l'on voit n'est pas vraiment ce que c'est. Mais il sait bien qu'il faut être intelligent pour dire ce genre de choses. C'est cela. C'est cela. Et là encore, c'est une sorte de paradoxe qui réapparaît, puisque à la fin de ces très belles notes sur l'intelligence, dans les dernières lignes, donc Proust fait un long plaidoyer sur le fait que l'écrivain doit se tourner vers ses sensations, doit se faire confiance, doit s'écouter, comme le disait Duras tout à l'heure, doit chercher en lui les choses les plus banales. Et à la fin de ces très belles pages, qui sont un vrai plaidoyer pour la simplicité du rapport au monde, Proust dit, mais de toutes les manières, le seul moyen et la seule personne qui soit capable de dire que la sensation est la chose la plus importante en nous, c'est l'intelligence. Car si l'intelligence ne mérite pas la couronne suprême, c'est elle seule qui est capable de la décerner, écrit-il. C'est ça, encore un paradoxe, ce qui prouve bien que, que Proust est en train de mettre les choses en place. Il ne cherche pas à avoir un discours qui est... Nous ne sommes pas dans la finalisation d'un discours, les choses se mettent en place. Et surtout, ce qu'on comprend en vous écoutant, Mathieu Vernet, c'est que tout ça est aussi en réaction à la méthode Sainte-Beuve, à une certaine revendication de scientificité du côté littéraire dont il cherche à se démarquer absolument. Oui, et là, pardonnez-moi de refaire du Sainte-Beuve, mais il faut revenir un peu au contexte. Le contexte du début du XXe siècle n'est pas le même, évidemment, que celui que nous connaissons, ce début du XXIe siècle, et que le début du XXe siècle... Vous voulez dire qu'on ne souffre pas d'un trop-plein de rationalité en ce moment? C'est ça. Et qu'au début du XXe siècle, nous venons, après des développements scientifiques importants, des vraies réflexions sur la question du progrès, et que Proust, d'ailleurs, le dit à propos de Sainte-Beuve, il ne fait pas assez confiance à l'irrationnel. Proust veut déplacer l'écriture vers quelque chose de plus irrationnel. Et ce qui est intéressant, c'est que le contre-Sainte-Beuve illustre parfaitement ce déplacement. Parce que Proust, au départ, veut écrire un article en bonne et due forme, quelque chose de relativement universitaire, quelque chose de savant sur Sainte-Beuve. Il commence à l'écrire et nous avons ses pages. Et nous voyons que, très vite, la sensation est mise sur la table et que pour l'illustrer, il prend l'exemple de ce pain grillé trempé dans la tasse de thé. Et en fait, c'est ça qui va condamner le contre-Sainte-Beuve. C'est qu'on part de l'idée de faire un essai. Et petit à petit, pour illustrer que la méthode Sainte-Beuve ne marche pas, Proust donne des exemples de ce qu'il faudrait faire. Et donc, on a une écriture de la sensation qui, petit à petit, se développe et qui chasse doucement le modèle de l'essai. Et nous avons, très tôt, dès le début de 1909, donc quelques mois après cela, des pages... Donc, c'est le narrateur qui est dans son lit, qui se réveille et qui décrit l'arrivée d'un rayon de soleil sur le balcon et les sensations que ça provoque en lui. Et à ce moment-là, ce rayon de soleil lui fait se souvenir du rayon de soleil qu'il avait vu plus jeune lorsqu'il passait ses vacances dans une maison de campagne, en province, etc. Et donc, la mémoire se met en place et la force de l'instant du moment, donc la description poétique de ce rayon de soleil, va ouvrir le passé, vers le passé, va déclencher le principe mémoriel, et on voit comment petit à petit on s'éloigne de Sainte-Beuve et du discours. Et une fois qu'on arrive à Combray, enfin ce qui va devenir Combray, une fois que le narrateur décrit les moments qu'il passe sur place... Non, il parle de maison de campagne, tout simplement. Oui, oui. Pour l'instant, on est toujours dans une maison de campagne. C'est ce qui va devenir Combray. Et donc, il décrit ses sensations sur place. Donc, c'est encore quelque chose de très tourné sur lui. Et puis, survient tout à coup un problème. Le soir, parfois, il n'a pas le baiser de sa maman au moment où il va se coucher parce qu'un homme vient dîner à la maison et cet homme, c'est Swann. Donc, vous voyez... Pour décrire des sensations qu'il ressentait jeune, il est obligé d'avoir recours à une personne qui vient. Cette personne, il va un tout petit peu la décrire. Cette personne a une femme. Ils ont un enfant. Et donc, le romanesque est en train de se mettre en place. Et l'histoire du contre Sainte-Beuve, c'est ça. C'est-à-dire qu'il part d'une idée, c'est qu'il veut démontrer que la littérature doit se construire sur la sensation. Qu'il faut faire quelque chose qu'il soit plus de l'ordre de l'irrationnel, qui soit moins tourné vers l'écriture scientiste ou positiviste, telle que Sainte-Beuve a pu la penser. Et pour illustrer cela, pour illustrer cette écriture, il va la mettre en œuvre. Et donc, c'est cette mise en œuvre qui devient la recherche du temps perdu. Et c'est donc, pour lui, tout à fait conscient. Enfin, la question se pose, justement, et on terminera sur ce point. Est-ce que, ce faisant, finalement, il fait preuve d'un projet rationnel extrêmement tenu, qui est celui de donner tort à Sainte-Beuve et de montrer que la littérature peut partir des sensations, de l'intuition, de la réminiscence? Ou est-ce qu'au contraire, on peut voir en lisant ces brouillons, finalement, que le passage à la littérature est plus subreptice et que finalement il passe véritablement le relais au corps et aux sensations. Oui, c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau dans le Contre Sainte-Beuve, c'est qu'on voit petit à petit comment la machine et l'écriture se met en route. Comment on va passer du désir d'écrire sur Sainte-Beuve à l'écriture de la sensation, au pain grillé, à Combré, à l'arrivée de Swann, des Guermantes. Et Guermantes a un frère, ce frère est le marquis de Guercy, qui est homosexuel. Et donc, et à ce moment-là, il y a le discours sur l'homosexualité. Mmh. Et on voit comment, dans un fil continu, effectivement, vous avez tout à fait raison de dire, Proust n'a pas une idée vraiment déterminée de ce qu'il veut faire au début. C'est la chose qui s'impose à lui. Et c'est ça qui est troublant et qui est fort et beau dans le dossier du Contre Sainte-Beuve que je donne dans cette édition de la Pléiade, c'est que on voit progressivement comment le roman s'impose à lui. Comment, dans un geste d'écriture, comment l'écriture et la force de l'écriture se répand. Et Barthes disait s'interroger sur le moment magique qui, en 1908-1909, selon Barthes, je l'évoquais tout à l'heure, il nous disait s'apprend. Comment Proust comprend qu'il devient écrivain? Et je crois que c'est très dur de l'expliquer en tant que commentateur. En revanche, en tant que lecteur, quand on lit ces pages, on voit comment ça a pris et comment on devient écrivain. Et c'est d'ailleurs ce qu'expliquait Duras. Quand on lit Proust, on découvre l'écrivain qu'on a en soi. Et donc on peut lire ces textes-là dont vous avez rédigé la notice, pour tous ces textes recoupés sous le titre « Contre Sainte-Beuve » dans le volume « Les essais » de Marcel Proust, publié dans la bibliothèque de la Pléiade, sous la direction d'Antoine Compagnon, que je recevrai demain. Merci beaucoup Mathieu Vernet. Merci à vous. D'être venu nous parler de ces textes ce matin. On se quitte avec un très court texte de Proust lu par Dussolier qui explique que la musique va dépasser l'intelligence. C'était une thèse développée aussi dans La Recherche du Temps Perdu. Et puis un petit air, l'air du magasin, chanté par Arletty et Reynaldo Hahn. On reste vraiment dans l'époque de Proust. Je me demandais si la musique n'était pas l'exemple unique de ce qu'aurait pu être. S'il n'y avait pas eu l'invention du langage, la formation des mots, l'analyse des idées, la communication des âmes. Elle est comme une possibilité qui n'a pas eu de suite. L'humanité s'est engagée dans d'autres voies, celle du langage parlé et écrit. Mais ce retour à l'inanalysé était si enivrant qu'au sortir de ce paradis, le contact des êtres plus ou moins intelligents me semblait d'une insignifiance extraordinaire. Faut autre chose pour être heureux. Qu'est-ce qu'il faut pour être heureux? Ça ne peut pas partir à pas honte. J'espère que vous avez l'autre. Et comme j'ai l'une, on a les deux. Place pour être heureux. Oh mon bel inconnu, l'opérette ici interprétée par Arletty et Reynaldo Hahn, un amoureux de Marcel Proust, pour rester dans le sujet du jour sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps d'accueillir la chronique quotidienne de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Comment Aristote a-t-il inventé l'éthique? Le mot éthique désigne en français aujourd'hui à la fois quelque chose de très évident qui court les rues et en même temps une sorte de notion très abstraite aussi, très difficile à situer et à définir à côté des mots comme la morale, les principes, le droit lui-même. On parle aussi de bioéthique, on parle de toutes sortes d'éthiques et cela semble à la fois désigner quelque chose de très concret dans nos vies, quelque chose de fondamental dans la vie humaine et peut-être même de plus concret que la morale, mais en même temps quand même avec ce terme grec, quelque chose d'un peu mystérieux qu'on a du mal à distinguer et il y a bien des dissertations sur la différence entre l'éthique et la morale. Et peut-être faut-il, pour la comprendre, se reporter à, non pas l'inventeur de l'éthique, mais celui dont la philosophie morale nous est parvenue avec le mot éthique comme titre, qui n'était pas de lui d'ailleurs, de ses plus grands traités, Aristote, auteur de l'éthique à Nicomaque et aussi plus controversé, moins connu, de l'éthique à Eudème. Ce sont des titres de traités donnés après lui et non pas par lui, mais très révélateurs. D'abord parce que l'éthique est adressée. Nicomaque, c'est son fils. C'est un cours de morale concrète adressé à son fils. Et aussi parce que le mot éthique, dans la tradition d'Aristote, désigne quelque chose de tout à fait nouveau, de tout à fait précis, qui perdure, qui persiste jusqu'à nous. Que désigne donc l'éthique ? Le mot éthique, la prise en compte des caractères, ethos en grec, ne date pas d'Aristote dans son usage philosophique. Il a même été introduit par Platon, mais dans un dualisme qui, justement, le rejetait hors de la philosophie morale proprement dite. Pour Platon, il y a les vertus intellectuelles, et même toute la vertu, au fond, est profondément intellectuelle. Ce sont les grandes vertus de l'esprit qui contemplent le bien et la justice. Et il y a aussi les vertus du caractère, les vertus du cœur, comme, justement, le courage, qui doit être ensuite éclairé par la justice. Et ces vertus-là, ces vertus du caractère, Platon les appelle, mais pour les dévaloriser, les vertus éthiques. Le caractère, c'est ethos. Les vertus éthiques, elles sont dites éthikai, éthique, en un sens donc découpé, séparé, opposé à la pensée. Or, la morale d'Aristote, l'éthique d'Aristote, dans l'éthique à Nicomaque en particulier, n'oppose pas l'esprit et finalement le corps, les passions, le cœur, comme s'il était opposé à notre esprit, mais plutôt deux types de pensée, deux types de sagesse. Une sagesse intellectuelle, la philosophie, qui consiste en effet à acquérir le bien, à se tourner vers lui intellectuellement, et puis une sagesse pratique. L'application des principes dans la vie humaine, l'application par ce qu'Aristote appelle la prudence, sophrosyné, qui fait le sage, le phronimos, celui qui n'est pas le sage contemplatif, mais qui arrive à appliquer sa vertu aux choses concrètes du monde et surtout à en faire sa vertu, car le mot vertu chez Aristote désigne non pas seulement une compétence abstraite, mais une sorte de sagesse incorporée, une habitude, une disposition acquise, travaillée, qu'il faut remettre sur les métiers chaque matin pour être un sage. Ainsi, Aristote est-il non pas l'opposé, mais au contraire, peut-être un des sommets de ce que Pierre Hadot décrivait comme la philosophie comme manière de vivre, car au fond, l'éthique, c'est la manière de vivre, j'allais dire, tout court. Merci beaucoup Frédéric Vorn. Votre chronique, Le pourquoi du comment, est à réécouter en ligne sur le site de France Culture. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon de la Selle avec Jules Barbier, Thaïs Éloi Hammer, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise pour vous cette série d'émissions. À la prise de son aujourd'hui, c'était Marie-Rose Oumabadi. À la lecture des textes, Guillaume Gallienne. Emma et Mathieu Salvan étaient présents aujourd'hui. Une pensée particulière pour Noah Salvan également. Je vous donne rendez-vous demain à 10h pour la suite de notre série autour de Proust et les philosophes. Demain, nous serons en compagnie d'Antoine Compagnon. On se demandera s'il faut lire la recherche comme un essai. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Rendez-vous demain à 10h donc. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture. France Culture. L'esprit d'ouverture.